L'évolution dans l'expérience. Voilà le sujet qui va être traité dans les prochaines minutes. Ici David au micro et je suis en compagnie d'André. Alors, ça va bien? Oui, tout le monde. Oui, donc je salue également les gens qui nous écoutent un peu partout sur le globe. Et c'est sûr qu'avant de commencer à parler de ce sujet, donc pour les gens qui s'intéressent entre autres aux neurodivergents, André s'occupe présentement d'un groupe Facebook qui s'y rapporte, que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, vous allez avoir le lien de la page là, en bas de l'enregistrement présent. Sinon, c'est sûr que si vous êtes intéressé à citer une activité de souper rencontre pour parler de conscience supramentale, ben André en organise aussi. Donc, si vous voulez être informé de cela, vous allez avoir ses coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Donc, ça, c'était pour les petites annonces. Et puis, on peut commencer à proprement dit de parler d'évolution dans l'expérience. Voilà le sujet que tu m'as suggéré pour ce soir. Donc, pour débuter, je pense que ça peut être bien, André, là, si tu en fais la présentation. OK. Moi, je vais par qu'est-ce que je vis dans les semaines. Il y a tout le temps des thématiques qui reviennent. Ça peut être une semaine, le monde va parler de telle chose ou telle chose. Il y a des choses qui ressortent. Qu'on est connecté selon les plans où ce que les personnes habitent, là, mm-hmm. leur plan de conscience. Et puis, j'ai discuté avec une femme qui travaille justement avec les neurodivergents, puis elle m'explique un phénomène, parce qu'elle était comme subjuguée de ça, puis elle a dû écouter beaucoup les nouvelles. Moi, j'écoute pas les nouvelles, mais je vois quand même qu'est-ce qui se passe en ayant des enfants divergents aussi, puis bon... Il y a moi aussi là-dedans qui était complètement pas comme les autres enfants quand j'étais plus jeune, mais il y a le phénomène de l'androgénie. Ce phénomène-là est en sortir. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand quelque chose est sur le bord d'être... moi, je dis polarisé dans le sens qu'on a une polarité à l'intérieur de nous, mais quand cette polarité, quand les polarités ils fusionnent, mm-hmm. que les gens... les forces de vie, les feux cosmiques, le couple cosmique, ça, c'est deux forces qu'on a dedans de nous autres, qui sont liées avec nos deux parties du cerveau, masculine et féminine. Ben, quand il approche de la fusion mondiale ou qu'il y a une transmutation de la nouvelle race, parce qu'à un moment donné, on restera pas comme on a une fin de cycle où il y a une transmutation assez grande, mais c'est pas tout le monde nécessaire. Évoluer à la même vitesse. Et puis, la façon dont ça fonctionne, que ce que j'expliquais à la dame, excusez-moi, pardon, mm-hmm. C'est que vu qu'on a évolué davantage, que ces deux forces-là commençaient, dans notre cerveau, ils commencent à avoir des connexions qu'on n'avait plus, ce qu'on peut appeler le retour à la source de l'information. Il ne faut pas mêler la source comme... L'esprit. Il y a des personnes qui sont spirituelles, ils peuvent exprimer les choses du monde de l'invisible d'une façon totalement spirituelle. Ce que j'expliquais, c'était plutôt que notre cerveau est en train de faire des connexions pour ouvrir des systèmes. Parce qu'on n'a pas nécessairement accès à tous les systèmes on aurait de la misère à supporter la réalité avec la vision qu'on a de tout ça. Puis je lui disais que quand il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver à terme, il y a toujours de l'expérience. Les jeunes se sentent androgynes, ils ont besoin d'exprimer leurs différences. Fait que c'est comme tout sort. Mais faut pas oublier que les gens, là, si on enlève les gens qui se prennent pour leur forme, OK? Mm-hmm. Puis qu'on enlève la forme de ce qu'on est parce qu'on n'est pas juste l'humain qu'on est. On est rempli d'atomes, on est des cellules, on est des corps de conscience, on est vaste, là. On est tu sais, à la base, on est universel, mais révélé à soi-même. C'est ça, exactement. C'est sûr que ça me fait penser à l'adage qu'a l'ufologue et métaphysicien québécois Jean Cazot, qui est esprit d'abord, humain ensuite. Oui, c'est ça. Ben c'est parce que ça prend de l'esprit pour l'allumer, ce corps-là. Sinon, c'est que des impulsions électriques. C'est ça, leur astralité qui explique ici. L'astralité, on arrive au monde, puis on est une calculatrice thématique, puis on est sur le point de faire une transmutation. Fait que tout ce qui est la transmutation interne va se manifester à l'extérieur. Ça veut dire que les jeunes, ils vont se mettre à commencer leur fusion intérieure avec leurs deux polarités, ce qu'on appelle les deux flammes jumelles, là, parce que c'est pas des individus, c'est en dedans de nous autres. C'est ces forces-là qui... Oui, bien, le yin et le yang. Le yin et le yang, pour prendre la terminologie associée à la médecine chinoise traditionnelle. Là. Donc, ouais, le côté masculin et c'est féminin. Un terme pour expliquer ça. Exactement, mais c'est sûr que cette mouvance-là, tu sais, il y a plusieurs choses qui se sont faites au fil des ans. Tu sais, il y a eu, entre autres, dans les années 80, la mode unisexe. Oh oui, ben oui. Ou les filles s'habillent comme des gars. Ouais, mais c'est là, ça. Aujourd'hui, on est en processus de tout donner, c'est que ça va revenir, puis pour être clarifié, parce que tout ce qui est transmuté en nouveau doit passer par les deux polarités extrêmes avant que ça arrive dans le milieu. Avant qu'il y ait des modèles, parce qu'il y a toujours des modèles humains qui sont en train d'être. Plus que les forces se polarisent, plus qu'il y a une photosynthèse de tous les systèmes, comment est-ce que ça fonctionne. Parce que, tu sais, Bernard, il parlait là, de la propre lumière. Sa propre, c'est quoi, là? Tu sais, les termes là, que les gens ils entendent au bout du supramental, c'est quoi ça, la lumière? C'est la vision. C'est le spectre de la lumière qu'on peut avoir pris. Puis pour en arriver là, justement, ça de fusion, je vais t'expliquer. Les jeunes, en ce moment, sont en train de vivre un phénomène. Puis, à l'intérieur de nous, ce phénomène-là, la maîtrise de ces forces-là. Je te donne un exemple. Je vais faire un petit parallèle. Tu as fait une question sur la polyamour. Bien, cette polyamour-là, dans le fond, à la base, moi, je parle pas de sexualité, là, c'est l'amour universel. C'est comme ça que les gens devraient se regarder parce qu'ils sont tous des parties des uns des autres. On est un corps de conscience. Je vais revenir souvent là-dessus quand je fais des émissions avec toi, là. Mm-hmm. Puis de déprendre un petit peu la forme, parce que ça vient lourd, là. Ce qui arrive, c'est que l'étape aussi de la cinquième race, c'est que tout était fait, puis que là, on est rendu dans un cycle pour qu'on puisse pour évoluer, parce que ça prend tant d'expérience pour être capable de faire quelque chose de différent. Fait que le truc, c'est que moi, je disais, aujourd'hui, je parlais avec une fille, puis je disais, hey, ce serait drôle, hein, s'il y a du monde qui ont de la misère à... Il y a des gens qui ont de la misère à retenir leur sexualité, c'est plus fort qu'eux autres, ils pètent des crises de colère, et si ils ont pas cet orgasme-là, puisque cet orgasme-là, c'est un état, et cet état-là, c'est ce que tout le monde c'est la lumière. Puis là, ben l'affaire, c'est que ça fait quand les gens sont pas maîtrisés avec ces deux forces-là à l'intérieur, c'est qu'ils sont soumis, ça fait comme une drogue. Ils ont un état d'euphorie dans la sexualité, et là, on des highs, mais il faut pas oublier qu'il y a toujours un down. Puis oui, là, oui, où est-ce que le monde se situe, c'est leur seuil de gravité. Où est-ce qu'eux, ils ont le centre de gravité. Et puis là, qu'est-ce qui est en train d'arriver, vu qu'on vit l'accélération du temps au niveau émotionnel, bien, les choses vont aller de plus en plus vite, de plus en plus grossières, puis de plus en plus accentuées. Puis c'est normal. Ben, okay, je dirais pas nécessairement plus grossier. Personne, c'est personnel. Je dirais pas nécessairement qu'on se dirige vers du plus grossier, là. Ben David, tout est révélé. Là, les choses qui sont en train de se passer, regarde, je te donne un parallèle, là. Pour qu'est-ce qui est de la religion, ben là, c'est grossi. On est en train de voir que finalement, après combien ça donne, on le voit, là. Donc, là, à un moment donné, les gens commencent à voir que, bon, il y a eu des gens qui ont profité de la naïveté des personnes parce qu'ils ont dû être manipulés ou tenus dans un cadre de fonctionnement pour être capable de tenir le coup le temps qu'on devienne autonome. Parce ben, c'est ça, mais les gens peuvent voir plus clair par rapport à la manipulation. Il y a des choses qui étaient cachées autrefois, comme par exemple les prêtres pédophiles. Oui. Ils étaient changés de paroisse, puis ça se parlait pas publiquement, c'était un tabou. Là, aujourd'hui, ils ont été contestés, dénoncés, et c'est partout sur la place publique. Mais on devient pas plus grossier dans le sens que, pour moi, les gens deviennent pas nécessairement plus... astralisé aujourd'hui. Il y avait des C'est gens plus très. démontré, c'est que c'est plus Oui. montré, c'est plus grossier dans le sens de avant ce qui était tabou est en train de se montrer à Ben la moi, je trouve ça télévision. excellent parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de cachette, il n'y a plus de choses qui sont Non, voilées par rapport à c'est certains ça. abus ou ajustements. Tu sais, c'est sûr que comme ma grand-mère, elle trouve ça horrible parce qu'elle est religieuse catholique. Puis elle dit, ah, dans mon temps, il n'y avait pas de prêtre pédophile. Puis aujourd'hui, tout d'un coup, il y en a. J'ai dit, c'est pas ça, c'est parce qu'autrefois, il y en avait, mais on n'en Ça a toujours parlait été, pas. C'est ça, oui. on n'en parlait pas à cause de tabous sociaux. Souvent, les exactions ou les choses qui sont critiquées par rapport aux prêtres pédophiles remontent à plusieurs années. Et dans le temps que Ah, c'est arrivé, que ce soit les sacrément. années 50, 60, 70, Eh les gens n'en oui, parlaient pas puis même autrefois. encore, là, ça fait pousser, écoute, ça a toujours été un phénomène qui était là. Mais le truc qui se passe, c'est qu'en ce moment, ce qui était comme tabou est en train de sortir. Puis là, ça va aller jusqu'à probablement plus loin que ça, parce qu'à un moment donné, ça de même, ça se pourrait qu'il y ait la prostitution légale, ça se pourrait qu'il y ait des maisons pour ceux qui veulent s'appliquer, ça se pourrait qu'il y ait des trucs assez fuckés, merci, ou bien pas fuckés, parce que bon, c'est l'expérience, je parle aux yeux de ceux qui vont capoter, mais qui voient jusqu'où. Pour nous autres, la jeune génération, bon, c'est un peu moins pire, Bien, c'est parce que on s'attend à ça ça, là. dépend comment qu'on voit ça. T'sais. C'est sûr que c'est tout le temps une question de perspective. T'sais. Oui. Fait que. Ouais, puis si c'est comme ça, c'est parce qu'il se doit que ça soit comme ça. Puis c'est tellement personnel que c'est pas, c'est comique pour certains qui ont passé le cap de certaines choses. Bon, mais je veux dire, c'est là, puis c'est réel, c'est bien correct, c'est comme ça que ça doit se passer. Puis ça fait partie aussi du processus de la photosynthèse à la source. Parce que tant que quelque chose n'est pas révélé et pas observé, il peut pas y avoir transmutation. Fait que c'est, si ça se passe au niveau planétaire, c'est parce qu'on est en train de passer à un nouveau système. C'est mondial, c'est disponible, mais ce sera pas n'importe qui va ressentir cette intelligence-là ou cette vision-là Non, non, il faut de que la jusqu'où on personne peut aller, là. ait la capacité de se connecter au réseau. Puis sais-tu avec quoi ça va? Ça va avec notre propre vision. Ça va avec notre propre vision. Parce qu'à un moment donné, à force de se regarder le nombril, là, puis de regarder tout ce qui vient de nos pensées, puis qu'est-ce que ça va toucher, là, c'est que là, on met de la lumière. C'est de même qu'on devient intelligent. Ça regarde, se regarder. Se regarder pourquoi qu'on est en réaction. Là, aujourd'hui, je parlais de ça avec une fille. Je l'écris un petit peu en plus bas dans la page. J'expliquais que tant aussi longtemps que quelqu'un s'est pas vu lui-même, ne peut pas voir les structures ou le mécanisme de comment est-ce que ça fonctionne ici. Parce que tout est, je veux dire, la seule affaire qui reste à être révélée aux gens, parce qu'on parle de voile, là, ça fait des milliers d'années on a des voiles puis qu'on est déconnecté de la source. Bon, à ce moment-là, ce qu'on appelle le feu cosmique, là, c'est la fusion des deux forces intérieures, masculine et féminine, OK? Ça, là, ça fait en sorte des réactions. Puis quand on a des réactions très extrêmes, ça va selon le degré d'évolution des gens, mais pour ceux, là, qui sont capables de tenir le coup là-dedans, là, sont capables de se voir à une précision de manipulation, parce qu'on se manipule tous tant qu'on n'est pas rendu à une autonomie totale. Puis c'est là, pour l'instant, c'est pas tout le monde qui est rendu là. On commence à l'aube de quelque chose. Bon. Fait que là, il y a plein d'expériences. Il y a le polyamour, le ci, le ça. Mais Christy, c'est un mot. Fait que les gens, ils mélangent beaucoup sexualité avec qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, je vais te le dire, pourquoi? Parce que la cinquième race, c'est une race qui utilise la sexualité pour se procréer, pour continuer à se faire procréer, là, tout ça. Puis, sans que les gens se créent eux-mêmes sur d'autres plans pour faire des gestes différents. Ça passe comme ça. Fait que quand le monde a commencé à vivre la fusion à l'intérieur d'eux autres, leur vision va leur montrer un autre donne quand ils vont regarder la matière. Bien, il y a des comportements qui auront pu. Parce qu'ils vont se voir, ils vont voir la mécanique de comment est-ce C'est que ça ça, fonctionne. mais en même temps, la sexualité peut être réappropriée par l'individu Hey, c'est nouveau. pas que c'est pas bon, là. Faut pas tout jeter Non, non, comme ben faut pas c'est tout jeter ça. avec le bébé avec l'eau du bain, là. C'est ça exactement. Mais la sexualité, c'est sûr qu'il y a le volet biologique associé à l'instinct de survie, procréation, mais il y a le volet aussi communication et échange d'énergie. Donc, quand Ouais, quelqu'un. ben là, c'est solide. Là, quand il y a bien, David, c'est sûr que la sexualité, c'est une force qu'on a en dedans de nous autres, OK? Quand la force, elle est polarisée, là, quand elle est polarisée, là, OK? Il y a des choses que tu fais plus. C'est pas que c'est pas bon, c'est que tu choisis, l'échange avec l'autre, là, devient pas juste basé sur une excitation ou un désir. C'est plus fort que ça. C'est plus pur que ça. Fait Mais je dirais les pas gens, là, ils nécessairement pour vont. autant que la sexualité est impure, parce que si elle est investie de conscience, si elle est vécue en harmonie avec notre être, Ah, mais ça attend un peu, là. Ça va loin, là. Quelqu'un qui est là, oh, oui, moi, j'aime tout le monde, j'aime le monde, j'aime cette femme, je veux pas en posséder. Mais c'est de regarder. Ça, c'est personnel, ce que je vais dire, là. Mais c'est de regarder la raison. Puis ça, c'est faut ouvrir cette vision-là du voir le mécanisme qui est en arrière, du pourquoi qu'on fait des gestes. Mais ça, je peux pas, je veux même pas aller là. Parce que c'est personnel à chacun. Puis il y a des gens qui ont des choses à vivre, puis peut-être que c'est bien correct qu'ils vivent ça. Moi, je parle toujours de la mécanique. Moi, je dis plus on va prendre cette force-là, la maîtriser, je vous le dis, essayez ça 5 mois de temps, touchez-vous pas, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues sous vous autres. C'est juste une chose en parallèle que je dis là. Mais c'est Parce parce que que la personne ce peut que ça arrêter. fait remonter. Ouais, mais c'est parce que la personne peut arrêter de se toucher pendant une couple de mois, c'est-à-dire se masturber, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va devenir consciente puis bien dans sa peau. Après tout. Non, non, non, non. Mais attends, ouais, je comprends ça, t'as raison, parce qu'il y en a qui le font. Ça, c'est correct, Ben mais moi, un peu. j'ai un cousin qui m'a raconté qu'après avoir pratiqué la chasteté pendant plusieurs années, il éprouvait encore du désir sexuel, puis il y avait un combat intérieur. Fait que là, je me dis, ça Ah ouais, fait ben c'est 7 ans ce qu'il est combat moine intérieur. bouddhiste. C'est ce foutu combat intérieur-là. C'est bien la source du pourquoi qu'il y a une dualité sur la planète. Puis quand tu veux sauter d'une race à une autre, c'est d'arrêter d'utiliser cette force-là comme on le fait. Parce que la femme, la minute qu'elle a quelque chose, l'homme aussi, là, il y a une force qui monte parce que la force, ça sert à ouvrir nos centres d'intelligence à l'intérieur de nous autres d'abord. Parce que sinon, ce qu'on va faire, c'est pas, il n'y a pas de. Mais là, encore là, c'est fort ce que je dis, là. C'est parce que je vais loin, là. Tu Ben, sais, je te pas. Moi, ah, sac, il m'a parlé, je peux, en tout cas. oui, mais je te permets de t'exprimer librement à mon émission. Fait que moi, Ouais. je suis bien ouvert à ce que tu me dises ce que tu captes réellement, tu sais. Ben, ça, écoute, je capte réellement. C'est pour l'avoir vécu. Parce que quand je parle de quelque chose, je ne peux pas parler si je sais pas quelque chose. Ce que je fais de ma vie, c'est personnel, puis c'est advenant que je fais des choses avec ça, puis bon, j'en ai une discipline ou un mode de vie, c'est sûr que moi, j'accepte. Dans le fond, si, mettons, je fais que ça, ben là, c'est sûr que je vague dans des domaines d'autres choses. Mais écoute, les gens, ils vivent leur vie, ils vivent des choses, puis c'est pas nécessairement à eux ça, là. Eux autres, ils vivent, puis bon, s'ils ont ces modèles-là, ils ont une limite de capacité, bon. Mais il y a des gens qui s'occupent de la programmation, de la biotechnologie, des systèmes pour que les gens l'utilisent éventuellement. Puis l'affaire, c'est que ça se ressent en dedans. C'est en dedans que ça va leur venir. C'est pas dehors. C'est pas la personne que tu vas payer pour te dire des affaires qui va te faire évoluer, là. Il y a son poignet là-dedans. Il y a encore. Et ça, là, à un moment donné, ça va être fini. C'est ça. Bien Adoré. que J'ai quelqu'un aimé, extérieur à David. soi peut t'aider à t'accompagner momentanément, là. Oui, mais ça, c'est. Encore là, c'est un plan, ça. Moi, j'ai adoré. J'ai aimé la vidéo de Bertol qui a vraiment mis le point sur la chose qui est extraordinaire, c'est que votre autonomie, vous ne l'aurez pas par quelqu'un certain. Ça va être par vous autres, pour vous autres, puis c'est nous autres. Parce que, hey, gérer ce qu'on est énergétiquement, là, intense merci, c'est pour ça que les gens ont des systèmes. C'est pas de fâcher après ces systèmes-là. Comme j'entends quelqu'un m'en dire, je suis fâché contre les forces. C'est juste du répétage de qu'est-ce qui a été dit. Le monde, ils vont pas Ben, plus loin que ça. ça dépend. Ils peuvent vivre une contestation par rapport aux forces. Après tout, moi-même, j'en ai vécu, puis à un moment donné, Je discutais avec Laurie, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en discutant spontanément, j'étais en contestation par rapport aux forces qui me mettent en vibration à certains moments, puis en tant qu'ego, je ne le choisis pas. Fait que moi, Ouais, mais je c'est parle pas de subi. la. Ouais. Il y en a, ils vivent des émotions, puis ils sont en risque. Puis là, ils viennent. Là, ils vivent des événements, puis ils sont même pas capables de l'accueillir. Puis il y en a qui sont dans la peur. Puis oui, c'est des fois parce qu'on a deux forces à l'intérieur de nous autres. C'est d'apprendre à les reconnaître, ces forces-là. C'est quoi ça? Il y en a deux. Quand on est fâché, pourquoi pas longtemps après, on a le goût de faire l'amour? Pourquoi? Parce que c'est de la force. Ben, ça dépend. C'est. Ça dépend. Moi, j'ai pas nécessairement le goût de faire l'amour après Non, avoir été non, mais fâché. je te donne un Oui, extrême, là. oui. Je te donne un exemple, OK? C'est d'observer comment est-ce qu'on fonctionne. Mais c'est ça le truc. Moi, je te parle d'une affaire en parallèle avec un autre mode de fonctionnement qui est de l'autonomie, parce qu'on va arriver vers cette autonomie-là. Les gens aujourd'hui, là, y a ben, le monde qui chiale, là, le nouvel ordre mondial, là, si. Ben là, il y a plein de droits qui vont débloquer, OK? Il y a plein de choses qui vont être possibles. Mais il va y avoir un encadrement. C'est la même chose qui se passe Ben, en dedans de ça nous autres. dépend. Si la On a des personne possibilités devient d'expérience. Attends un peu, autonome. David. On a l'opportunité d'expérience l'infini, mais il y a un encadrement. Ça marche aussi pour les systèmes intérieurs de nous autres. Ça dépend, André, parce que si la personne est autonome, elle n'a plus besoin d'être encadrée par les autres et la société. Parle d'un système autonome. Ben oui, ça, c'est en dedans, c'est d'être autonome. Attention, l'autonomie, ça va loin, là. C'est Hey, ça, mais la David. personne qui est réellement autonome et plus encadrée par les anges, par les extraterrestres ou par les forces, c'est Ah elle-même ben qui est non, aux ben non, ben commandes de sa non, ben non, réalité. ben non. Hey, ça peut aller. Ben, puis écoute, la personne peut aller voir jusqu'à la source de comment est-ce que le système fonctionne. Puis à un moment donné, devenir complètement photonique. Agir dans des mondes d'information. C'est pas. Il y a des gens, ils disent, oh, là, au paradis, on est enlevé de la planète, on va aller vivre dans le paradis. Le paradis, c'est un état d'esprit. Puis à un moment donné, ça ne change plus. Fait que ta vie te regarde, fait que ce que tu vas vivre dans ta vie, ben ça va être autre chose, parce que tu seras plus soumis au même système que tu as présentement. Puis là, le système nouveau qui s'en vient, c'est de se créer soi-même pour en manifester la structure de ce qu'on est capable de supporter. Oui, C'est exactement. ça que les gens, c'est ça que les gens ont de la misère à peut-être à comprendre. C'est pas de faire des gestes pour obtenir quelque chose. C'est tu changes quelque chose à l'intérieur de toi et tu vois des choses différentes, tu l'incarnes et là, ça se manifeste par des synchronicités. Puis là, tu lâches prise, c'est déjà écrit d'avance. C'est juste que l'opportunité de le voir comment ça fonctionne. Mais t'es super heureux. Dans le fond, t'es conçu exactement pour vibrer ce que t'es pour vivre. Oui, Fait ben que la t'es personne qui satisfait de devient toi-même. consciente, elle développe la capacité de lecture des programmations de qu'est-ce qui était prévu pour elle sur le plan de l'esprit. Ben là, quand la personne, elle vient, quand la personne a un corps physique, là, a été fabriquée, elle a une expression, elle est comme ça, elle est de même, puis crime, sa planète, là, bon, on est tous des petits morceaux d'expression, puis à un moment donné, ça fait une toune, puis toi, t'es une toune, t'es comme un disque, puis tu tournes. Puis tu vis des affaires, puis jusqu'à temps, à un moment donné, que tu atteignes le centre, puis tu peux sortir de la toune, puis aller voir d'autres tounes, comment ça chante ailleurs, dans l'espace du champ du cosmos. Puis là, quand on a une vision, est-ce que le monde y voit grandeur? Il n'y a pas de grandeur, il n'y en a pas. On a besoin d'un véhicule pour se déplacer dans l'espace. Notre corps, c'est notre véhicule. Mais il y en a d'autres véhicules, puis on n'a pas de grandeur. Il n'y en a pas. Ben, ça dépend. Je veux dire, il y a le côté, ben, la dimension planétaire, la dimension cosmique, c'est très différent. Ah, c'est pas pareil. Quand t'es rendu dans la dimension cosmique, tu peux vivre une journée dans un système atomique, puis à un moment donné, tu pars, puis tu communiques avec quelqu'un. Oublie pas que les gens, c'est comme si c'était dans un cerveau. On se communique des informations avec des nous sur plusieurs plans, OK? C'est cosmique. Fait que là, tu peux parler avec quelqu'un, puis là, t'as un problème de santé, là, tu vas dire, OK, moi, je veux savoir ce qui se passe. Puis là, à un moment donné, ça va s'ouvrir, tu vas parler avec la personne, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a une résistance au niveau émotionnel. Tu gères ça, puis bon, tu guéris. Fait que ça va loin. Mais là, ça, c'est un autre point, là. Les gens, ils intellectualisent qu'est-ce qu'ils ont entendu de ce qui est le supramentaire. C'est l'utilisation d'un autre Ben, système. pas tout Ça le n'a rien à monde, voir avec. attention. Il y a des gens qui, par rapport au supramental, peuvent prendre la parole pour amener du matériel nouveau ou complémentaire à celui de Bernard, tu sais. Nouveau, faut le vivre. Faut absolument le vivre. OK? C'est de le vivre, ça. Puis pour Mais être capable de l'exprimer, oui. David, il y a du monde qui va parler, mais ils ne seront jamais capables de t'expliquer comment ça fonctionne en arrière. Mm-hmm. Pourquoi? Pourquoi? Ben, il n'y a pas juste la question du vécu, il y a la question d'être capable d'absorber l'information. Ben, pour absorber l'information, là, qui est de la lumière, parce que oublie pas, là, l'information, là, sur ces plans-là, c'est de la lumière. Ouais. C'est parce que ça prend le corps d'énergie, ça prend pas nécessairement le véhicule. Tu sais, comme par exemple, Bernard, il pouvait parler des extraterrestres ou différentes choses, mais ça veut pas dire pour autant oui, mais David, qu'il a nécessairement rencontré tous ces extraterrestres-là auxquels il faisait allusion. Oui, mais attends, il l'a expliqué. C'est parce qu'il y a des affaires que le monde ne pouvait pas comprendre à ce moment-là, OK? C'est sûr que quand il parle, je viens de te le dire, c'est quoi? C'est la vision qui est capable de rentrer à... c'est bien, OK? Des extraterrestres, il l'a déjà dit, c'est des extratemporels. C'est des extratemporels. C'est quoi un extratemporel? C'est quelqu'un qui est rendu complètement quantique, qui n'est plus attaché à sa forme. Puis aujourd'hui, là, je vais te dire quelque chose, OK? Mm-hmm. Ça va peut-être être rough, mais c'est pas grave, je le prends sous moi, ça ne me dérange pas. Quelqu'un là qui décide que dans sa vie, il se prend pour sa forme, il décide de faire une carrière, OK? Mm-hmm. Puis là, il dit, OK, moi, dans ma vie, mon travail, ça va être d'enseigner des choses. Mais oublie pas, il y a de l'argent là-dedans, puis il se prend pour sa forme. S'il se prend pas pour sa forme, le travail qu'il va faire, il sera jamais pareil. Je te parle en général, mm-hmm. les gens qui veulent faire évoluer des gens, puis tout ça. Mais ça, là, c'est une chose qui est personnelle. C'est, de toute façon, quand t'es rendu là, ça vient à toi. Provoquer, à moins que tu aies affaire à un initié qui te pogne dans un coin, qui te regarde bien comme faux, parce que lui, il en a de la lumière, fait que quand il va te regarder, le spectre de la lumière n'est pas jamais pareil comme quelqu'un qui a deux yeux qui te regarde avec deux énergies tout croche. Puis quand il y a un initié, Bernard, il regardait du monde en contact avec des gens, là, mmh. La fréquence d'observation que ça provoque chez les gens, ça crée l'ordre et résistance. Puis il y a des nœuds. Ça fait tout péter. Fait que le monde, ils ont été soumis à des OK, pour la simple raison qu'ils ont été observés. Écoute, même quand on l'écoute parler encore, du monde qui pogne des initiations. Mm-hmm. Ben oui, ben c'est sûr que la vibration que véhicule Bernard fait éclater les formes anciennes pour qu'à ce moment-là prenne place l'énergie nouvelle que la personne intercepte pour altérer sa psyché, altérer son aura et la reconfigurer en fonction de paramètres évolutifs nouveaux. Ouais. Ça prendrait un bout, là. Il a dit dans 40 ans. Et là, on est rendu là. Fait que c'est normal, là, qu'il y a des choses qui se passent puis que ça brasse. Puis il y en a qui ont. Ben, il y en a qui l'ont eu d'un dent, là. Ben, c'est parce que ça dépend. Il parle que le processus va s'échelonner sur environ 2500 ans. Oui, oui, mais là, quand que cette énergie-là est descendue, mm-hmm. OK, c'est on est dedans. On est en train de vivre quelque chose qui s'est jamais vécu là. Oui. OK? C'est là, maintenant, il y a quelque chose, là. Puis j'ai l'opportunité de parler à plusieurs personnes, de voir dans quel état ils sont. Puis c'est très drôle de voir qu'est-ce qui se passe. On va prendre ça au sérieux. On non plus se prendre au sérieux. Il y en a, là, qui ne touchent pas à leur forme. Et tu vas manger un point d'indent, tu peux te faire taquer. Juste, se sont sentis. Moins important aux yeux du travail qu'ils font. Mais faut pas se prendre au sérieux, là. Parce que s'ils sont face à toutes des parties d'eux-mêmes, puis qu'ils sont fâchés, contre eux autres. C'est qu'il y a quelque chose qu'ils ont pas compris. Fait que, tu sais, bon, c'est de... Oui, ben tout est interrelié dans le sens qu'il existe, d'une certaine perspective métaphysique, une seule conscience, mais avec un coefficient d'individuation multiple qui donne l'impression qu'il en existe plusieurs. Exactement. Mais en réalité, il y a une seule énergie dans l'univers qui est morcelée. Fait que c'est sûr que de... Oui? J'ai vraiment aimé qu'est-ce que Daniel Ménard expliquait. Il dit « Chaque personne sur ta route est une opportunité. » C'est vrai. Parce que tu as un contact avec quelqu'un qui t'échange l'information. Si tu as une réaction, ça te regarde. Mm-hmm. C'est parce que ta ta diplomatie, c'est là que face à quelqu'un qui est complètement plus là, c'est là que l'énergie rentre parce que tu incarnes cette maîtrise. Alors, où est-ce que ça va, que ça pourrait te déranger, mais finalement, t'es capable de te regarder puis de dire, ben voyons donc, je n'agirai pas comme ça, ou je suis capable de comprendre. C'est ce qui permet de se cristalliser dans notre corps physique. Et plus on a des interactions avec des gens, plus on est ébranlé, plus qu'on est testé, c'est bon signe. C'est de pas avoir peur d'aller dans nos racines. Et on doit aller dans ces racines-là pour les observer bien comme il faut. Ben, il faut que l'être humain soit poli comme un cristal qui est raffiné avec le temps pour enlever les failles et les impuretés qui laissent circuler l'énergie de l'esprit. Exactement. Ben oui. C'est sûr qu'éventuellement, il y a plein de crises qui vont prendre naissance sur la Terre. André Moreau avait écrit un livre qui s'appelle « 100 millions de crises ». Mais c'est sûr qu'il va éventuellement en avoir plusieurs qui vont se développer, venir à maturité et qui vont rayonner de cette énergie-là christique, non pas dans un sens spirituel, mais dans un sens de rayonner d'une énergie qui est au-delà de la forme et qui va permettre de générer des éléments nouveaux qui vont reconfigurer l'être humain là, en fonction de son cristal interne. Là. J'allais dire un peu comme une radio, hein, tu sais, qui est changée, qui est altérée, oui, qui est élevée de fréquence. La glande pinéale qui est en dedans de nous autres, c'est bourré de petits mini-cristaux, là, puis ça fait toutes sortes de glandes, toutes sortes d'affaires, puis qu'on transmute avec ça. Là, je parlais pas de toute façon, là, mais... Pour de vrai, ben oui, il y a des gens qui se cristallisent avec leur propre vision. Fait que c'est d'être capable de prendre... OK, l'énergie, là, c'est de l'électricité. OK, quand ça rentre dans un corps, là, biologique, le plan de l'humain, là, mettons, OK, le plan de l'homme. On parlait du plan de l'homme. Cette énergie-là, on l'entre dans nous autres, OK? Puis quand, à un moment donné, il y a une accumulation de cette énergie-là, d'habitude, quand on est plus jeune, parce que là, à un moment donné, quand on est plus vieux, je vais parler de ça tout de suite après. Quand on est plus jeune, on a beaucoup de force sexuelle, OK? Beaucoup plus. Parce que, dans le fond, on est en train de... le système de la cinquième race veut se reproduire, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas rendu... on n'est pas rendu encore à d'autres choses, là. Mais quand on prend cette énergie-là pour se reformater un autre système, ben c'est ça. Je disais tantôt, il n'y a plus la même chose. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné, la femme... Quand qu'à faire un parallèle, je parlais de ça avec ma mère aujourd'hui, la femme commence à être dans une pause. C'est quoi qui arrive? La femme, elle a la colère, elle est plus agressive, il y a des bouffées de chaleur, c'est une transformation complètement hormonale, et puis la femme ressent son centre masculin intérieur. Et là, ce qu'elle n'a pas pendant sa vie transmuté va beaucoup. Fait que le feu va y rentrer dedans, parce que, bon, de la femme, l'émotionnel, puis tout ça, c'est une autre chose, c'est une autre la femme. Puis tout d'un coup, elle sent une force masculine, puis elle s'est peut-être jamais vue là-dedans, elle. Fait que c'est une autre étape. Puis le monde, avant, il vivait pas trop vieux, là. C'était pas une affaire que les femmes vivaient beaucoup non plus, là. Je parle vraiment longtemps. La durée de vie chez l'homme n'était pas fort, là. Non, c'est sûr qu'autrefois, l'espérance de vie, admettons, qui était de 40 ans, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se rentraient à la ménopause. Oui. Fait que c'est sûr que par rapport à ça, c'est un phénomène de changement hormonal qui s'opère au sein de la femme. Puis il y a des impacts, là, dans le sens que, par exemple, il y a un certain pourcentage de femmes qui vont connaître une baisse de désir sexuel, là, par la suite. Exactement. Puis là, ben, il y a d'autres choses qui y a d'autres affaires. Mais là, je suis rendu là, fait que je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que, bon, je l'ai pas vu. On n'élaborera pas trop ça. Mais en tout cas, moi, l'affaire que je suis contente d'avoir parlé, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est une observation de l'esprit face au monde matériel. Quand que, tu sais, j'ai déjà fait un parallèle avec toi un moment donné, j'ai dit, quand quelqu'un fait une expérience, le créateur d'une expérience, il y a une influence sur sur la particule qu'il observe. Mettons dans un microscope. Ben oui, ben on a vu ça dans physique quantique, là, entre et voilà. Autres. Et voilà. Ouais. Ouais. Mais avec le simple fait que l'observateur observe quelque chose, dans des documentaires comme What the Bleep that We Know, là, c'est abordé, là. Pour pas dire What the fuck that we know, hein. Donc, être dans un état non défini en physique quantique, là, c'est de ne pas être attaché à sa forme, c'est d'être l'observateur. Exactement. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'être capable de jouir de la forme. dans le sens que si la personne, si on prend la question de la sexualité, a du désir sexuel, au lieu de se battre contre le désir, dans le sens que de chercher à s'imposer d'être chaste ou d'être moine, alors que ça ne se fait pas naturellement, pourquoi pas vivre sa sexualité sans se sentir coupable? Puis le jour où elle vit une transmutation authentique, ben progressivement, elle n'aura plus de désir, ça va se faire naturellement. Il n'y aura pas un effort d'ego pour parvenir à cet Non, état-là. c'est ça, c'est ça. C'est bon qu'est-ce que tu dis parce que chaque chose dans son temps. Mais pour ceux qui aiment bien les paroles de Bernard ou qui se permettent de se dire que c'est des gens en fusion ou qui sont supramentales quand ça vient de commencer, bon, puis que pour le vivre, l'ouverture de ce système-là qui est un système d'utilisation. Ben là, ils auront à faire face à la déprogrammation totale. Fait que c'est ça. C'est parce qu'il y a des personnes qui aiment ça dire des grands termes, là, mais Oui, utiliser les grands termes, c'est pas une Ouais. garantie d'être capable de véhiculer une vibration puis d'en faire une intégration réelle, ça c'est sûr. Il y a des gens qui vont faire l'attelage du savoir sans pour autant l'avoir intégré, là. C'est sûr que dans le fond, il y a des limites à ce comportement-là. Ouais. Mais le point, c'est que les gens qui sont travaillés par la vibration, ça se sent puis ça se perçoit par rapport à l'énergie qui est derrière leurs paroles. Tu sais, que la personne a un cours à l'université au niveau du doctorat ou qu'elle n'ait pas d'études, si la personne est vibratoire, on va le percevoir, peu importe les formes utilisées, ça se capte, ça. Ouais, il y a ça, il y a ça. Puis tu sais, quelque chose tu dis là que pas se sentir mal de vivre Oui. avec ce qu'ils vivent. Mais en parallèle, c'est un problème d'en souffrir pris avec cette énergie-là si on n'est pas bien avec ça, là. Fait que ça regarde la personne, ça regarde l'individu, ça regarde son émotionnel, puis tant aussi longtemps que les gens n'auront pas l'autonomie, ben, totale de leurs énergies, ben, ils vont vivre des expériences, puis c'est comme ça. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire à soir. Non, non, mais c'est bien Fini. correct, mais c'est sûr que les gens peuvent se rééquilibrer à travers des expériences qui vont favoriser progressivement chez eux une montée du taux vibratoire qui va faire en sorte qu'une transmutation qui va s'opérer comme ça. Mais je voulais amener le point quand même que la transmutation psychique peut être en relation à partir aussi de la communication télépathique avec l'esprit. Dans le sens que la personne, si elle est capable d'agir en fonction d'une conscience vibratoire, elle ne fait plus de l'essai-erreur parce qu'elle va agir directement à partir de la vibration qu'elle capte puis des interactions qu'elle a psychiquement avec l'esprit. Ben ça c'est sûr. Quelqu'un qui a de l'esprit, il fera jamais les mêmes affaires que quelqu'un qui est pas fini, là. Il n'a pas besoin de revivre les sensations, les choses peut-être qui lui donnaient une vibration, c'est fini. À un moment donné, c'est d'autres choses. L'amour, c'est une chose personnelle. Il y a des gens qui mélangent la sexualité et l'amour, mais je m'excuse, mais l'amour, c'est une chose que tu as pour toi-même. C'est à force de t'observer face aux autres, c'est qu'est-ce que tu te donnes à toi-même pour être intègre. L'ordre, c'est une forme d'être l'ordre de vie. C'est ça, mais c'est C'est subtil parce que par rapport à la sexualité puis l'amour, parce que il y a plusieurs définitions de l'amour. Il y a l'amour émotionnel, il y a l'amour aussi au niveau de l'esprit. Mais tu sais, dans le fond, par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup de sexualité avec une personne peut en venir à développer un lien émotionnel avec elle. Donc la sexualité peut amener à l'amour, puis en même temps, ben l'amour peut amener à la sexualité aussi. Dans le sens, quelqu'un qui l'aime, ben et un autre, ben, il va aimer y toucher, il va aimer avoir du sexe avec. Fait que ça peut aller dans plusieurs directions, là. Ouais, ça c'est la forme d'amour émotive, sentimentale des gens d'ici là. À un moment donné, l'amour c'est une affaire que tu portes en toi, puis là tu changes l'expression de qu'est-ce que t'es. C'est pas mal le sexe, c'est pas ça le problème là. Il n'y a pas de problème là. C'est l'expérience. C'est que les gens, ils prennent le regarde, Daniel, mais non, à un moment donné, j'ai trouvé ça intéressant qu'est-ce qu'il dit. Il dit la minute que tu touches à quelqu'un. C'est comme si tu avais le goût de non, c'est Bernard, ça, je pense, en tout cas. Quand tu touches à quelqu'un sexuellement, il y a comme un truc qui se déclenche, que la personne t'appartient. Mais déjà en partant, Ça, si t'es c'est comme hyper ça, possessif, là. Ben, regarde, moi, là, je vais parler pour moi. J'aime les gens. Je parle avec les gens. Je m'approche d'eux. Je vis une intimité avec des amis ou des gens auxquels je choisis pour. On est côte à côte sur un chemin, là. Mais on s'aime d'un amour inconditionnel. Puis, je n'ai pas envie de les posséder. Puis, je suis capable de leur dire ce que j'ai à leur dire d'une façon. Plein d'amour pour moi, parce que jamais je vais me comporter d'une façon désappropriée face à l'autre. Si partie de moi, pourquoi que je ferais ça? Je dis, je m'aime bien trop pour faire ça. Fait que ça, c'est une forme. Ça, c'est l'amour. L'amour qu'on peut échanger avec l'autre. Puis si j'ai un copain, puis que là, j'ai le goût, moi, de jaser 2 heures gars, puis que je dis mon chou, je t'aime, puis tout. Il va pas prendre ça sérieux. Il va pas avoir cette jalousie-là de dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Toi, là, aller jaser avec cette façon-là. » Au début, c'est sûr, ça c'est bizarre, mais à un moment donné, ça comprend ça, ces choses-là. Ce lien universel qu'on a avec les autres, à un moment donné, au début, peut-être qu'il y en a qui ont le goût de toucher, hein, parce que, bon, il a le goût de se toucher, il aime bien. Mais à un moment donné, t'as pas besoin de toucher l'autre, puis d'avoir une sensation sexuelle. La sexualité, il y a un nom. Il y a à l'intérieur de nous, il y a ce monde intérieur-là. Mais c'est pas, ça cette sexualité-là donne un autre orgasme. C'est plus physique. Ben, c'est sûr que des gens peuvent exprimer d'une manière symbolique des orgasmes intellectuels. Ben, c'est ce que tu penses quand tu parles avec quelqu'un puis tu t'en vas sur un autre plan. Ça n'est un orgasme, ça. Ben, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de fusion énergétique qui sont connus lorsque simultanément deux personnes parlent vibratoirement à sa même longueur d'onde. Ben oui, sans que ça ait passé par le physique. Mais si on est une conscience intégrale, dans le fond, moi, je ne verrais pas pourquoi de me priver de vivre une sexualité. Pour moi, on peut vivre à tous les niveaux avec différentes personnes. En autant qu'on se respecte, qu'on respecte l'individualité de l'autre pour ne pas lui imposer des choses non plus là, qui n'est pas consentant. Là. Mais pour moi, la sexualité, dans le fond, au niveau de la communication, la sexualité physique comme échange d'énergie qui peut passer par la tendresse, par le massage, ça peut être une source de ressourcement intéressante, au même titre qu'on peut la connaître par la parole vibratoire. Bon, ben ça, c'est personnel à toi, David. Ben correct, si t'es content dans ce que tu vis puis ça te correspond, c'est ça. Moi, je veux juste parler de quelque chose de différent, là. Non, exactement, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue parce que c'est sûr qu'il y a différentes personnes qui vont écouter l'enregistrement, puis dans le fond, chaque personne a à vivre par rapport à lui-même, tu sais. Ouais, puis il y a surtout le monde qui exprime avec la mode, là. Je suis en couple avec plusieurs personnes. Si t'es en couple, là, c'est parce qu'encore là, tu te définis avec une forme. Puis ce que t'appelles le polyamour, ben c'est une forme de d'échangisme, libertin. Mais bon, si le monde, ils ont pas le goût nécessairement d'être en couple, ils ont le goût de s'exprimer cette vibration-là avec les autres, ça les regarde. Exactement, mais le point que je veux clarifier ici, c'est que moi, je fais pas nécessairement la promotion ici du polyamour. Ben non. C'est plus que j'ai fait un enregistrement récemment là, avec une personne où on en faisait l'exploration. C'est normal, David, là, oui. Quand de même, là, tout ce qui était un système de soutien pour les individus, ça pète. Comme le mariage, c'est en train de péter. La forme de couple là, qu'on doit absolument avoir des enfants, une autre affaire. On est en train d'explorer d'autres choses. Fait que le couple, c'est quoi? Premièrement, c'est en dedans de nous. Tu sais, avant d'échanger tout croche, qu'est-ce qu'on est, il va être bien en dedans de nous autres, là. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Après des milliers d'années, pas me dire que le couple, c'est extraordinaire, là. Non, exactement. On est au début de notre évolution à ce niveau-là sur un autre plan de conscience. C'est juste ça, là. Mais en lien avec le côté intérieur, je suis d'accord avec toi dans le sens que tant que la personne n'est pas harmonisée psychiquement en elle-même, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas fait la synthèse entre les polarités masculines et féminines. On n'a même pas été en dedans de nous autres encore. On n'a même pas été en dedans de nous autres. Ben, il y a des gens qui commencent à faire de l'introspection à l'époque actuelle. Ça commence. On est au début. Là, sûr que pour qu'on puisse voir en nous autres, pour les gens d'ici, à leur degré d'évolution, ça leur prend une vision de voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Mais au début, ils font pas les liens. Ils font pas un lien que c'est un monde de particules, que les gens aussi, c'est des particules dans un corps de conscience. Il se passe des choses dans nos corps parce qu'on est en train de transmuter, puis on a la vision en pleine qui arrive. Fait que d'arrêter de prendre les choses perspectives, parce que ce qu'on est en train de voir là, c'est la vie. Mm-hmm. C'est la vie. C'est comment est-ce que ça fonctionne? On a le Big Bang en pleine face, les affaires ils se font, ils se défont, ça évolue, à un moment donné, c'est nébuleux, puis à un moment donné, ben ça cristallise comme une étoile, puis ça fait un soleil, puis tout est radie, puis à un moment donné, ça inspire tout le monde. Fait que ce qui est cosmique, là, c'est tout le monde là en face d'eux-mêmes, mais c'est parce que c'est là où est-ce qu'il n'y a pas la connexion avec la source des informations. C'est juste ça. C'est ça. Mais c'est ça, mais pour que le branchement se fasse avec la source, il faut que la personne ait les corps pour contenir l'énergie, qu'elle soit capable de l'absorber. C'est pour ça que je t'ai dit que l'énergie sexuelle, si le monde se refécondait eux-mêmes avec cette maîtrise de ces deux forces intérieures-là, ils s'en feraient des corps. C'est de même qu'on s'auto-féconde. On est supposé de s'auto-féconder. L'androgynie, le réel androgynie, là, c'est quelqu'un qui a ces deux forces-là, il se la fout dans le trou de pète puis il se redonne la tente. C'est pas compliqué. Excuse-là le terme, mais non, c'est ça. C'est de se féconder un corps de conscience, de lumière, pour voir... Justement, d'être capable de voyager oui, dans mais l'information. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que dans le passé, entre autres, Socrate, le célèbre philosophe, avait dit qu'il fallait que les gens accouchent d'eux-mêmes. Ça revient au principe de la seconde naissance. Il faut que la personne et s'auto-féconde psychiquement pour renaître. Et oui, comme il y a toujours une mort nouvelle. Il y a toujours une mort à l'ego. C'est, il y a toujours c'est ça, une mort au niveau, au niveau symbolique. Mais c'est parce que je pense, entre autres... Tu sais, j'ai un ami qui, tu sais, il dit « Ah, ben ton énergie sexuelle, il faut que tu apprennes puis tu la fasses monter sans qu'elle soit gaspillée par l'éjaculation, les spermes que ça, les spermatozoïdes, ça peut produire. » Mais, tu sais, il dit « Tu vas faire des exercices de respiration, puis là, l'énergie est supposée de monter. » Moi, j'ai pas été capable d'expérimenter ça. Fait que, tu sais, si quelqu'un vit ça, c'est correct, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement à portée de tout le monde de le faire de même sur le plan littéral, en tout cas. Ouais, j'ai déjà entendu ça moi aussi, puis il y a des gars qui m'ont dit seul, fait que je peux rien faire là, puis bon, je comprends la situation, mais c'est pas ça. C'est d'être capable de s'observer quand qu'on a des désirs, quand qu'on a des déceptions face à ce qu'on voudrait vivre. Puis là, ça va loin parce que tantôt je t'ai parlé. De toute façon, j'ai dit pas mal ce que j'avais à dire là, mais bon, on reviendra pas là, mais pour s'auto-féconder d'autres corps, ça prend des deuils. Si les gens sont attachés après leur forme, leur job, leur vie, réalité, comment ça marche, ça, ils vont rester dans cet univers-là, c'est un cube. C'est un cube de programmation pour qu'ils puissent s'augmenter dans une réalité qu'on leur a donnée. Puis que, bon, ceux qui sont en évolution sont entraînés au meilleur développement d'eux. Puis ceux qui sont en évolution, excuse-moi le terme, mais des cellules cancéreuses, ces gens-là ne sont pas capables d'avoir de la lumière ni se donner de vie. Oh, ben ton jugement est un petit peu sévère. Là. Parler de cellules cancéreuses... Regarde, David, c'est un humain, là, OK, qui est complètement possédé par ses émotions, là, en Afrique, maintenant. Je te donne un exemple, là. Puis lui, là, il n'est pas capable d'avoir le discernement que tuer un être humain, c'est pas normal. Il arrive, OK, il se fait entraîner, il est tout petit... Puis lui, dans la vie, sa satisfaction, c'est de donner coup de machette aux femmes, peu importe, parce que ça se sent supérieur dans sa forme. Ça, c'est de l'évolution. Un humain ne tuerait pas un humain. Ça se fait pas. Fait qu'il y a un problème à quelque part. Non, exactement. Il y en a qui sont possédés lourdement par l'astral, puis on a le phénomène des enfants soldats, entre autres, qui vont commettre des meurtres initiatiques ou des possédés, crimes. Ouais. Possédés par l'astral. Je suis assez écœurée d'entendre parler de ça. Possédés par nos propres émotions, parce que notre astralité, c'est des systèmes intérieurs qu'on continue d'incarner, de faire exister en dedans de nous autres, tant et aussi longtemps qu'on n'arrête pas de les reproduire parce qu'on n'a jamais vu. Fait que s'il y en a qui ils mettent, parce que le monde, ils mettent toujours à l'extérieur d'eux autres tout ce qu'ils observent. Oui, mais quand j'utilisais le terme astral, c'était dans le sens qu'un élément extérieur à soi qui conditionne, qui amène la personne à agir ainsi. C'est sûr que je parle de la présence d'entités qui sont derrière ça, qui vont pénétrer psychiquement l'individu tant aussi longtemps qu'il n'y a pas le gouvernail pour être en émission vibratoire de l'intérieur vers l'extérieur. On est des fractales des gens qui ont existé, qui ont eu ces comportements-là, on les porte. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas conscient, on reproduit puis on fait des boucles temporelles. C'est tout. Non, exactement. Puis là, c'est là que le système va bugger parce que s'il y a trop de boucles, à un moment donné, ça alourdit tout le réseau puis les périphériques. Mais là, quand quelqu'un est pogné, qui est con par ses émotions, il incarne pas la vie, là. Il est dans des basses fréquences. Fait qu'il reproduit le comportement de ce type-là. Puis bon, il se lie à des réservoirs, ben, des égrégores, toutes sortes d'affaires. Ouais. Parce que, bon, c'est ça que l'humain a déjà fait dans le temps. Ben, il va ça, puis il va avoir des idées qui vont lui venir dans la tête. Il va dire, hey, tiens, je donnerais bien un coup de marteau sur le genou du voisin, là, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est un autre domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est... J'en ai déjà parlé. Oui, c'est ça, mais le point sur lequel je voulais t'amener, c'est que tant que l'être humain ne s'approprie pas sa psyché, il soumet des conditionnements externes à lui, puis là, c'est lorsqu'il, dans le fond... décide de se mettre en opposition contre les conditionnements externes que là, il peut générer quelque chose de nouveau. Donc, ça prend une révolte psychique, ça prend une capacité de l'individu d'être marginal, tu sais, d'être individualisé, d'être différent. Mm-hmm. Puis c'est là que la créativité réelle émerge. Mais c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Puis tant que l'individu est soumis à l'extérieur vers l'intérieur, il reste dans l'évolution parce que c'est son environnement qui dicte sa conduite. Au lieu qu'elle soit l'expression du feu de son esprit par une impulsion énergétique qui provient de son noyau atomique. David, il y a du monde qui dit « Moi, je suis en crise contre l'esprit. » Bien, je peux très bien comprendre parce que tant que l'énergie de l'esprit n'est pas totalement intégrée, ça crée des chocs, ça crée... Oui, mais attends un peu, le monde, il pense qu'il crie après qui, là? Ah, je crie après... je vais crier après eux autres, là. Ben eux autres, c'est nous... écoute bien là, on est déjà dimensionnel, on est en train de vivre l'expérience de notre propre comment est-ce qu'on fonctionne, on est. Oui, dans un sens, eux autres, c'est nous autres, puis c'est ça que dans le fond, tout ce qui existe dans le cosmos, c'est des parties de nous-mêmes. Mais en même. On est tous fissionnés. Cherche le terme là, je l'ai. Fait que la fusion, là, c'est la vision de ce qui est universel. Ben c'est un processus de globale individuation, pour employer une belle expression d'André Moreau. C'est-à-dire qu'en s'individuant réellement, on englobe psychiquement la globalité, la totalité de ce qui existe. C'est ça. Donc, il y a une harmonisation de la conscience individuelle à l'universel. Donc, un passage du moi empirique à l'intégration du moi transcendantal qui est au-delà de la dimension physique et mémorielle de l'individu. Ben oui, rendu là, tu prends plus de poutre à forme, là. Exactement. Mais en même temps, c'est bien parce que, tu sais, il y a le mouvement de l'être humain vers l'esprit qui cherche à se dégager de la forme, puis, tu sais, la personne peut dire « je vais faire vœu de chasteté, pauvreté, d'obéissance comme les prêtres », beaucoup dans le détachement. Mais il y a le mouvement inverse aussi que quelqu'un qui intègre l'esprit, il apprend à jouir de sa forme, d'avoir du plaisir dans la vie. Y a je comprends, mais il y a des personnes que je connais, inclusivement moi, plus jeune. Oui. À un moment donné, là, t'as bien beau baiser, mais il n'y a pas de profondeur là-dedans. Si t'es pas capable d'échanger de l'intelligence, c'est pas évolutif. Ça va toujours tourner autour de ce besoin de se satisfaire de quelque chose qu'on n'a même pas en dedans de nous autres pour se satisfaire soi-même. Fait que c'est là la cloche qui devrait sonner, là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai fait le tour. David? Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'on va compléter là-dessus, mais dans le fond, au-delà de l'acte sexuel, du besoin, du désir sexuel, il peut y avoir un investissement de ça de conscience. C'est-à-dire que la personne peut... être présent à l'autre vibratoirement pendant qu'elle fait l'acte, au lieu que ce soit tout simplement un coït mécanique et névrotique. OK, je trouve ça drôle que tu dis. Oh oui! Donc, au lieu que ce soit machinal, ça peut être sa vibration. Donc, on va compléter là-dessus, André. Fait que ça a été un plaisir, encore une fois, de discuter avec toi. Et puis, en terminant, je pense que ça peut être intéressant de rappeler aux gens qui aimeraient éventuellement assister à l'un de tes prochains soupers rencontres publiques qu'ils peuvent à partir du lien là, qui renvoie l'enregistrement, te contacter sur Facebook. Et sinon, toi, de ton côté, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour. Excellent. Fait que, ça, s'il y a des gens qui sont intéressés de venir me voir, je sais pas encore pour la date d'un événement. C'est quand même beaucoup organisé, là. Puis, vu qu'on approche la soixantaine de personnes qui m'ont démontré le goût de venir rencontrer, de se rencontrer, ben là, ça va être de l'organisation pour quelque chose de différent. Donc, venez me voir. Je vais vous mettre sur une liste, puis on va continuer. Excellent, donc à bientôt. Vide. Merci à tout le monde. Bye. Bye.